Annabelle s'anime de nouveau. « Il nous faut des souliers, peut-être un chapeau !» Tilly leur adresse un clin d'œil. « Venez, venez par ici! Il y a tout ce qu'il vous faut !» Les fées emboîtent le pas du lutin. Ils trottinent dans un dédale de galeries et ouvrent enfin une petite porte. Les fées sont émerveillées. Devant les miroirs, tout resplendit. Des chaussures, des ceintures et de multiples coffrets. Talons hauts, souliers plats, souliers fins. Sandales pailletées ou mocassins. Chaque pied sera bel et bien chaussé. Faut-il une capeline ou un chapeau? Boucle sage et libre, chevelure. Valseront au gré des allégros. Tous les coffrets ruissellent de bijoux. Qu'elle n'ose à peine toucher. Les quatre demoiselles sont